إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد On continue avec notre livre de Salihin, Min Kalam et Sayyid al-Mursalin. On a vu donc les chapitres de l'Ikhlas, du Sitr, non, de Sabr, Tawakkul, c'est ça? Et Sabr, Tawba et Sabr. Non, l'Ikhlas, Tawba et Sabr. Et là maintenant on voit donc Bab Sitr. Bab ou Sitr, donc le chapitre de la véracité, le fait d'être véridique. Allah dit. Ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Dans Surat Tawba, verset 119. Il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, wa sadiqina wa sadiqat. Il dit aussi, falaw sadaqullaha la kana khalan lahum. Donc voici quelques versets qui montrent donc le fait d'être véridique. Et le premier verset, Allah dit, ô ceux qui ont cru, craignez Allah et restez. Et soyez avec ceux qui sont véridiques. Donc Allah ici fait un nida, il appelle. Il appelle qui? Les gens de la croyance. Lorsque tu entends Ya ayyuhal ladina amanu, donc il faut que tu prêtes l'oreille. Car c'est où un ordre? Donc c'est une obligation, un ordre, donc Allah te rend une chose obligatoire, ou une interdiction où tu vas t'en éloigner. Comme le dit donc Abdallah ibn Mas'ud. Donc il dit, ô ceux qui ont cru, donc le croyant, le fait que la personne est croyante, elle considère que ça, cette parole-là est venue pour elle. Elle est venue pour elle. Craignez Allah. Craignez Allah, on sait que la crainte, c'est le fait de mettre entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, elle veut taille, c'est-à-dire donc une barrière. Cette barrière entre. Donc ce qui est interdit, les péchés d'Allah Azzawajal, donc tout ce qui est sacré, et en faisant aussi les bonnes choses. Et à la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire bi'in, avec la science. Donc c'est ça, taqwa. Taqwa, c'est en réalité, donc la peur, mais accompagnée de science. La peur accompagnée de science. Et rester avec les personnes qui sont véridiques. Rester avec les personnes qui sont véridiques. Allah aussi, ici, il leur donne de choisir ses compagnons, de choisir les personnes avec lesquelles on reste. Car celui qui est véridique, il te sera profitable. Il te sera profitable dans le conseil, dans le fait de te montrer ce qui est bien, dans le fait de te montrer ses défauts. Hein? Donc il te fait rire quand il le faut, il te fait pleurer quand il le faut. Il sait quand est-ce que les choses te sont profitables ou pas. Donc c'est bien en réalité le véridique. Il ne ment pas. Et aussi, non seulement il ne ment pas, mais en plus il est profitable. Et Allah Azzawajal, il demande cela, de rester avec les véridiques. Puis Allah aussi, il vante les véridiques, ainsi que les hommes et les femmes. Donc vous connaissez le verset où Allah mentionne énormément de, ou plusieurs caractéristiques des hommes et des femmes, hein, ceux qui prient, donc ceux qui gênent, ceux qui l'achélient. Et là il s'est dit, et ceux qui sont véridiques, et celles qui sont véridiques. Et ceux qui sont véridiques, et celles qui sont véridiques. Et Allah dit aussi, et si réellement, ils avaient dit que Allah aux avait des vérités, cela aurait été meilleur pour eux. Cela en réalité donc aurait été meilleur pour eux. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le hadith rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, Inna sitqa yadi ila birr, wa inna birra yadi ila al-fujur, wa inna birra yadi ila al-jannah, wa anna rajula. لا يصدق حتى يكتب عند الله صدقا وان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الحديث rapporté par البخاري ومسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc certes, donc la véracité guide vers le bien. Le bien qui est en vérité donc l'obéissance totale. Le bien c'est en vérité un nom qui va englober toute chose, qui va englober toute l'adoration. C'est pour ça qu'Allah lorsqu'il mentionne le bien dans Surat al-Baqara, il dit bien alayhi al-birra antualu ujuhakum. Puis après il mentionne et continue. Il mentionne énormément de choses, que ce soit parmi les actes du cœur, que ce soit parmi les actes apparents, ou que ce soit les actes qui sont entre toi et Allah, ou bien entre toi et les hommes. C'est ça en vérité le bir, c'est-à-dire que c'est tout. Donc c'est celui qui en vérité donc, craint Allah Azzawajal dans toutes choses. Et elle donne donc ce qu'il fait, si la véracité amène et t'attire ou te guide vers Al-Bir, cette obéissance totale, sache qu'aussi Al-Bir donc te guide vers le paradis, t'amène au paradis. Le fait qu'en vérité, donc tu fais partie de l'aide Al-Abrar. Allah dit bien, Inna al-Abrar la fin na'im. Inna al-Abrar la fin na'im. Certes, donc les personnes pieuses, celles qui sont en vérité donc obéissantes totalement, seront dans des délices. Ils seront dans des délices. Et certes aussi la personne, donc dira la vérité jusqu'à ce qu'elle soit écrite auprès d'Allah parmi les véridiques. Et ce n'est pas le premier venu qui fait partie de cela. C'est pour ça qu'Allah demande ici de quoi de dire donc énormément la vérité. Il faut du travail pour pouvoir en vérité arriver à ce point-là, à ce niveau-là, le niveau de cette dirk, l'être véridique. Et certes, le mensonge guide vers la turpitude, le fujur, la perversité. Et certes, la perversité guide vers le feu. Elle t'attire et t'amène vers le feu. Et certes, l'homme mentira jusqu'à ce qu'il soit écrit auprès d'Allah comme un menteur. Donc, hâte ici. Allah ne l'écrit pas menteur tout de suite. Car il peut très bien mentir une fois, se tromper ou quoi, ou faire tawba, ou bien une grosse chouba, puis après il revient. Mais celui qui prend l'habitude fera partie des grands menteurs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on sait que donc le mensonge amène en vérité au feu. Wa inna al-fujjara la fi na'im. Donc vous voyez en vérité comment le verset, hein, afwan. Wa inna al-fujjara la fi jahim. Wa inna al-fujjara la fi jahim. Vous voyez comment Allah Azza wa Jalla en vérité, dans ce verset, a une grande, en vérité, mis une grande relation en vérité entre ce verset et ce hadith. Il y a une relation entre le hadith et le verset. Le hadith qui va expliquer en vérité ce qu'il y a dans le verset. Et aussi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit donc dans un hadith de Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, il dit Hafiztu min Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna sidqa tuma'nina wal kazib riba rawahu Tirmidhi wa huwa sahih. Donc Al-Hassan ibn le fils de Ali ibn Abi Talib a dit j'ai retenu du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc cette parole-là, délaisse ce qui t'est douteux pour ce qui ne t'est pas douteux. Car la vérité, c'est de l'apaisement. C'est le fait d'être serein. La personne en vérité sera sereine. Et le mensonge, c'est le doute. C'est en réalité le doute. Donc il veut dire par là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les choses dont tu doutes, si tu ne sais pas si c'est haram, délaisse-les. Jusqu'à ce que tu poses en vérité la question au savant. Hein, parce qu'on sait que le halal est baigné, ou le haram il est baigné. Wa bayna umur, hein, mushtab, un mutashabihat. La ya'lamuhunna illa, ou la ya'lamuhunna illa, hein, l'alim. En général, donc il est le qalil, il est l'alim. Au kathirun al-nas. Très peu de gens en vérité, beaucoup de gens ne connaissent pas en vérité ce qui est douteux. Donc très peu de gens le savent. Al-ul-ilm. C'est pour ça que face à l'eau, elle est dégrédine comme tout le matin. Donc demandez aux gens de science si vous ne savez pas réellement. Donc le fait que tu doutes sur quelque chose, délaisse-le jusqu'à ce que tu sois sûr que c'est halal. Et ne fais pas le contraire. Je ne sais pas, alors je prends. Parce que si tu ressembles en vérité à celui qui s'est menti à lui-même, qui ment, qui a décidé en vérité de quoi? De mentir. Parce que le fait de douter, et que tu as décidé de le rentrer dans le halal, alors que l'origine, pour toi c'est un doute, mais tu le prends. Et tu l'utilises comme si c'était du fait, donc tu aurais été passé dans un cap. tu as arrêté d'en traverser le cap du mensonge. Car pour toi, c'est pas sûr que c'est halal. Mais tu le rends halal, comme si tu avais menti. Donc tu ressembles en vérité à quoi? À celui en réalité qui a menti. Donc il faut en vérité, bien sûr, éviter. Et le musulman, il ne vit pas avec les doutes. Il faut que ce soit clair. Certains compagnons ont dit que tout ce qu'ils ont reçu et tout ce qu'ils ont dépensé, ils n'ont pas eu de doute dessus. Hatta l'imam Bukhari dit la même chose. Et tout ce que j'ai gagné dans ma vie, et tout ce que et comment j'ai dépensé, comment j'ai reçu, comment je l'ai donné, comment j'ai dépensé, eh bien, je n'ai aucun doute dessus. Si c'était halal, il le prenait. Si c'était douteux, de le laisser. Alhamdulillah, l'imam Bukhari, c'est un grand savant. Donc pour lui, c'est beaucoup plus facile de savoir si c'est halal ou pas. Mais voilà comment il était. Même chose toujours, lorsque Abu Sofyan raconte dans son histoire avec Al-Tal, lorsque Abu Sofyan a vu Héraclus qui lui a posé des questions sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit « فَمَاذَا يَأْمُرُكُمْ يَعْنِي النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ قُلْتُ يَقُولْ اعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ أَبَاؤُكُمْ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ » Donc il dit, que vous ordonne-t-il cet envoyé, donc Héraclius. Donc déjà il pose la question parce qu'ils veulent savoir. Est-ce que c'est un menteur? Ils veulent voir par rapport à sa façon de procéder, sa méthodologie, sa langue ancienne. Est-ce que c'est du mensonge ou pas? Car il connaît déjà qu'est-ce que la prophétie. Il dit, il vous ordonne de quoi? Il lui dit, il nous ordonne d'adorer Allah seul, sans associer, et ne l'associer en quoi que ce soit. Et délaisser ce qu'ont dit vos parents. Car c'est réellement ça. Les gens suivent ce qu'ils trouvent autour d'eux. Pourquoi dans tel pays il y a autant de chiites? Si ce n'est pas parce qu'ils ont suivi leurs parents. Pourquoi dans tel pays il y a autant de soufis, si ce n'est pas parce qu'ils ont suivi leurs parents. Pourquoi dans tel pays il n'y a pas d'islam, si ce n'est pas parce qu'ils ont suivi en vérité, ils sont avec ça, ils ont suivi leurs parents. Donc délaissez en vérité ce que vos parents ont fait. Et revenez en vérité à la méditation, à reconnaître qu'Allah Azza wa Jalla vous a créé. Et donc il mérite bien sûr cette adoration. Puis il nous ordonne de prier, d'être véridique. De garder la chasteté, ainsi que le fait aussi de ne rien demander aux gens, et de garder les liens, et de tisser les liens de parenté. Et c'est important, c'est dans les débuts de l'islam. Et même Jafar, lorsqu'il est parti voir, donc Radjamanou, lorsqu'il est parti voir Néjus, et qu'il lui a parlé, il lui a parlé aussi de Tawhid, il lui a parlé aussi de comportement. Car le comportement, il est venu au début de l'islam, tout de suite. Et des mabadis qui sont dès le départ, qui sont donc des bases, qui sont donc c'est des éléments de base qui ont accompagné dès le début le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hatta Khadija lui a dit, lorsque l'ange est venu et qu'il avait peur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il avait froid, et quand, lorsque l'ange le venait, donc il a eu peur de cette apparition, et elle a dit, certes Allah ne te laissera pas car tu fais ceci, tu fais cela. Donc elle a mentionné plusieurs donc, points qui montrent le bon comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès le début de l'islam. Donc elle lui dit, Allah il te laisse pas parce que tu as un bon comportement. Et Allah lui-même il le dit. Que si tu étais dur, les gens se sauveraient de toi. Pour ça, il dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et chaque dureté qui est accompagnée de quoi que ce soit, en vérité la chose, elle deviendra laide. Elle va enlaidir la chose. Et chaque beauté, chaque chose belle, et parmi ça le bon comportement, lorsqu'elle est accompagnée d'un acte, elle embellit l'acte. Elle embellit en réalité l'acte. C'est pour ça qu'ici il nous ordonne la prière. Ce qui est normal. Donc il leur ordonne. Nous ordonne la prière. Car le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il a énormément insisté à revenir à Allah Azza wa Jal. Car la prière, c'est quoi? C'est dua. C'est invoquer Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'on dit wa anna al-masajid lillahi fala tad'u ma Allahi ahada. Certes, les mosquées sont Allah et n'invoque personne en dehors d'Allah. Ou n'invoque personne avec Allah. Parce que lorsque tu pries, d'abord dans le Fatiha, tu demandes à Allah Azza wa Jal. Tu dis Yakana Abudu wa Yakana Stein. Et après donc tu dis Ihdina Sarat Mustafa. Et tu continues. Tu demandes à Allah de te montrer le droit chemin. Lequel? Le chemin de ce dont tu as comblé de bienfaits. Donc de ceux des envoyés. Donc il faut regarder comment ils étaient les envoyés. Et de cette dérine. Donc on en connaît. On connaît Abu Bakr Siddiq. Alors comment il était? Et Washuhada. Hein? Et on connaît les shuhada. Les meilleurs shuhada, c'est des Omar, Othman, Ali. Regarde comment ils étaient. Voilà, sans les chaînes. Ils doivent regarder après eux, les compagnons qui sont morts, sans être morts, par exemple, de cette façon-là. Hein? Ni partir ou quoi, qui sont morts par de vieillesse. Mais on sait que ce sont les sans les chaînes, ce sont les meilleurs des sans les chaînes. Donc tu as des exemples. Et là, ils te montrent que tu as comblé de bienfaits. Donc tu veux recevoir les bienfaits, donc tu regardes. C'est ça en vérité. Et là, tu retrouves. Donc justement, quoi? Tu retrouves comment c'était la prière. La prière chez eux, c'était un délice pour l'œil. Ils se sentent mal, ils vont à la mosquée de prier. Ils se plaignent à Allah Azzawajal. Et après, maintenant, Allah, il dit que le fait de se plaindre, lorsque tu te plains à Allah Azzawajal. Car tu vas te plaindre à qui? À celui qui va te faire miséricorde. Et lorsque tu te plains toujours aux gens, sache que tu te plains de celui qui te fait miséricorde, c'est-à-dire que tu te plains contre celui qui te fait miséricorde, à celui qui ne te fait pas miséricorde. Car à un moment donné, celui dont tu vas, on va dire, saoulé, fatigué, à un moment donné, il y en a marre de ce que tu racontes. Même ça, même si tu te plains, même si c'est vrai, tu te plains. Alors que normalement, le musulman, ce n'est pas celui qui se plaint tout le temps. Il patiente. Il remercie Allah Azzawajal. Car certes, le croyant en réalité, donc c'est celui justement qui quoi? Qui, hein, donc réellement, en vérité, lorsque lui vient, donc lui inflige un malheur, il patiente, il se remet à Allah. Et lorsque lui est abonnant, donc il le remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens se plaignent. Aux gens. Mais sache que celui qui est en face de toi ne te fera pas miséricorde. Mais celui qui te fait miséricorde, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a la capacité de ça. Donc c'est vers lui qu'il faut revenir. Et c'est comme ça qu'ils étaient les compagnons de la prière. C'était un délice pour leurs yeux. Au point où certains priaient des centaines de rakas par jour. Des centaines de rakas par jour. Par nuit. Parce que généralement, c'était la nuit qui priait, à côté de la journée. Parce que Nawafil, c'est pas comme la Ratib. Ratiba, les 12 qui sont connus, hein, après les prières et la khiri, ça c'est Ratiba. Nawafil, tu t'en fais comme tu veux, il n'y a pas de chiffre. Tu peux dépasser les mêmes 12 la nuit. C'est pour ça que les gens vont dire, comment un professeur ne priait pas plus que 11, et pourtant on voit des compagnons qui en ont fait des centaines. Ou des gens qui ont, ben, des tatabirines ou bien d'autres, des salafs qui ont prié par dizaines. C'est parce qu'en réalité, ce sont les Nawafil. Ce sont en vérité les Nawafil, ce ne sont pas les Rawafil. Ce ne sont pas celles dont les personnes auront donc la mise au paradis lorsqu'ils prient les 12 par jour. La prière, et juste après vient quoi? C'est d'être véridique. Car quand tu es véridique, on t'ouvre la porte. On ne te la ferme pas. Et on veut qu'il y ait beaucoup de gens comme toi. Et la preuve, les gens qui ont les yéménites qui sont entrés, donc qui ont commercé, les yéménites, ils ont toujours été commerçants, voyageurs, ils ont commercé donc en Indonésie. Il laissait le matériel, il n'avait pas peur que le pape, hein, donc il faisait confiance. Même si la personne ne payait pas tout de suite, et puis après, il faisait plus lui laisser. La personne, donc après, par ce genre de, par toutes ces choses-là, bien sûr, on voit que ce sont des savants. Ce ne sont pas des gens qui sont ignorants. Ils le font pour Allah Azzawajal. Parce que quand pourquoi vous faites ça, ils ont bien dit que c'était l'islam qui leur fait ça. Donc ils leur ont fait da'wah en même temps. Il y a une da'wah. Par ce qu'ils ont fait et aussi par cela. Les gens ont été attirés. La même chose dans plusieurs pays, comme le Bangladesh et autres. Il n'y a pas que l'Indonésie. Donc c'est la vérité en vérité. Elle fait de toi en vérité quelqu'un qui va être aimé. Et les gens vont vouloir, même s'ils ne sont pas de ta religion, ils vont vouloir en vérité qu'il y ait beaucoup de gens comme toi. Car ça, ils savent que ces gens-là en vérité sont de confiance. Et le fait de se protéger, de garder sa chasteté, ainsi aussi le fait de ne pas demander aux gens, de ne pas être en réalité la main qui sera en vérité la plus basse. Car celui qui a la main la plus basse, hein, on voit bien l'avilissement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Normalement, on sait qu'il y a des gens qui ont pensé d'eux qu'ils étaient riches car ils ne demandaient rien. Donc, tu considères qu'ils sont riches car en vérité, ils ont ta'afouf. Ils ne demandent rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, as-sila. Donc les liens de parenté. Les liens de parenté. Ta mère d'abord. Ta mère. Et puis ton père, donc ton épouse, tes enfants, les frères et soeurs de ta mère, les frères et soeurs de ton père, leurs enfants, tes grands-parents, leurs parents s'ils existent encore, et les amis de tes parents. Et même quand tes parents meurent, ça continue. Et même lorsque tes parents sont morts, les amis de tes parents, ils restent encore par rapport à quoi? Donc ils sont toujours en vérité un droit sur toi. Les amis de tes parents, même si tes parents étaient morts, ils ont encore un droit sur toi parce que c'était les amis de tes parents. Parmi justement l'obéissance aux parents, c'est de garder encore les liens avec les amis des parents. Et quand on remarque cela, Et celui qui respecte bien cela, en réalité, il va respecter Wal-Jama'a, Al-Sunna wa Al-Jama'a. Al-Sunna parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a appris, Wal-Jama'a parce que le groupe il se protège. Donc sachez que le groupe s'est divisé parce que la famille a commencé à se diviser. Les premiers points, à part le fait de se détacher de la Sunna, on parle par rapport, pas par rapport au fait de se détacher de la Sunna, mais par rapport aux gens qui méritent plus justement d'être les plus proches, c'est bien la famille. Si déjà, avec eux, tu n'es pas proche, ça va être difficile pour que tu sois proche réellement avec les autres. Car avec eux, déjà, il y a un manque. Et la famille, c'est justement donc le premier lien. Et si toutes les familles sont comme ça, unies, comment vous voulez que vous capriez unis pour Allah Azzawajal, et après, donc unis avec les amis et tout ceci. Et là, ça fait quoi? Ça protège en vérité l'unité, l'entité de l'islam, qui est l'unité qui est obligatoire. Accrochez-vous à l'avance d'Allah tous ensemble et ne vous dispersez pas. Donc voyez un petit peu le sira. Et là, je dis bien, donc il dit bien ça, Allah il dit, est-ce que vous allez vous détourner et commettre des péchés et commettre la turpitude sur la terre, et juste après il dit, et que vous allez rompre les liens de parenté. Pourtant, Allah il a dit, vous allez désobéir et commettre la turpitude sur la terre. C'est une phrase générale. Et Allah, il montre un exemple concret parmi les exemples les plus graves. C'est pour ça qu'il montre cet exemple-là. Le fait que vous divisez en vérité, donc vous divisez. Vous faites quoi en vérité? Vous faites scission avec la famille. Alors ça, c'est le khas badal'an. C'est le fait de rappeler quelque chose qui est spécifique après quelque chose qui est général. Pour montrer en vérité l'importance du spécifique. Comme le verset Tanazzalul Malaika wa Ruh. Les anges descendent et Ruh, c'est Jibril. Mais pourquoi Allah il mentionne Jibril? Pour montrer l'importance de Jibril. Et la même chose, pourquoi Allah montre le fait de cette désobéissance pour montrer la gravité de ce péché? Vous commettez la turpitude sur la terre et il montre directement un exemple. Il montre en vérité les exemples les plus. Il ne va pas montrer les plus petits exemples, il va montrer en vérité les exemples les plus graves. Parmi les exemples les plus graves, le fait en vérité de quoi? Donc de justement faire scission avec la famille. Et on sait bien qu'aussi Allah Azzawajal, lorsqu'il demande de l'adorer et de ne l'associer en rien, il dit bien après, Wabil Walidayi Ihsan. Donc de la bonté envers les parents. Et Luqman il a expliqué que même s'il faisait énormément d'efforts, donc ils te combattent pour que tu sortes de l'islam, ne leur désobéis pas, pour que tu associes à Allah ceux dont tu n'as pas de science, ne leur obéis pas. Et reste avec eux dans la vie d'ici-bas, comme ça dire en bonne compagnie. Patiente sur ce qu'ils vont te mettre. Il y a maintenant des gens font l'erreur des fois de voir que, surtout dès qu'il s'agit de mariage tuteur, la fille vient, elle dit, mon père il a pas voulu parce que j'ai ramené un barbu, et mon père veut pas de barbu. Alors les gens ils vont dire, c'est un djinn, c'est un ennemi d'islam. Non, allez, on lui trouve un tuteur, son père, on lui enlève le tuteur là. Ça c'est pas un élément suffisant. Parce qu'il est possible que lui il a des mauvais échos sur les barbus, il a une mauvaise image, il entend que ce sont des fainéants. Il entend qu'il ne travaille pas, il entend que ce sont des voyous, il entend que ceci, il entend que cela. Donc lui, il vient avec des éléments pour refuser ce barbu. Généralement. Cela existe, cela arrive. Et aussi, il est possible qu'alors, après, elle dit, mais si la personne n'a pas de barbe, il va m'accepter. Donc lorsqu'ils ont posé la question à Cheikh Obeid, Hazrallah Azzawajal, il a répondu que celui dont Allah Azzawajal a ibtalahu. Donc Allah, justement, lui l'éprouve par le fait de se raser, car c'est une épreuve, parmi les épreuves, mais que généralement le reste il est bon, donc il a une bonne akhida, il a un bon comportement, il a ceci, la cela, donc pour bien aux parents, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se marie avec lui. Elle se marie avec celui qui n'a pas de barbe, pourtant elle n'a pas de barbe. En espérant qu'Allah va le guider par la suite, qu'il va changer. Elle voulait un barbu. Elle accepte, après elle lui fait les efforts, et afin qu'il change. Mais c'est pas parce qu'il n'a pas de barbe que ça veut dire qu'il est interdit de le marier. Ça ne va pas dans n'avoir que des zawaj. D'accord? Ça rentre pas dans ça. Mais ça, c'est des exemples qui peuvent arriver des fois chez certains. Donc ça, c'est pour montrer. En vérité, des fois aussi, donc les parents, des fois, ils vont nous. Il y aura des choses où on doit savoir comment en vérité gérer avec eux. Et ça rentre dans l'obéissance aux parents. Alors qu'est-ce qu'elle va faire, elle? Elle va partir. Le mari, il part avec elle. Elle se marie, mais elle a désobéi aux parents. Elle sort de la maison, parce qu'il n'y avait plus d'elle. il ne veut plus d'elle, il trouve un tuteur, le tuteur il fait le mariage, les autres ils font leur vie, elle, il est possible que lui, mais lui avec sa famille que ça se passe bien, donc elle ne se retrouve que dans une famille, pas dans sa famille à elle, le jour où il y a un enfant qui vient, le père, il veut pas avoir un enfant, pour lui c'est quoi? C'est un enfant de zina, il ne veut pas avoir un enfant, la mère, en général la mère elle est hanina, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient voir la fille en cachette. Ça se passe comme ça. Généralement, ça se passe comme ça. Elle va voir la fille en cachette, elle le dit pour mari, elle voit l'enfant, elle a un bel bébé, c'est son petit enfant, c'est la grand-mère, et des choses comme ça. Quoi ça sert de vivre une mauvaise vie dès le départ, dès que tu sais, tu vas désobéir aux parents. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention qu'on voit des gens qui ne passent pas par les gens de science dans ce domaine-là. Pourquoi? Comment se fait-il qu'on demande aux ulama s'il s'agit de monstrues, s'il s'agit d'abduction, s'il s'agit de salat, s'il s'agit de hajj, mais dit qu'il s'agit de mariage, à ce moment-là, il y a des juges. Les ulama eux-mêmes, dans ces cas-là, des fois, ils ne font même pas la fatwa, ils te disent reviens au juge. Car le juge, il est habitué, il connaît bien les situations, et les ulama ne connaissent pas toutes les situations bien en vérité, hein, pointilleuses. Car chaque cas est unique, chaque cas souvent est à part. Donc, déjà, eux-mêmes, les ulama, ils disent revenez au juge, qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Alors que dire du jeune de France qui lui fait une petite nasiha rapide, qui va en réalité, même des fois en réalité, mettre en péril la vie de deux personnes, ou bien de deux familles complètes. Donc, la personne en réalité, elle s'éloigne d'entrer dans les domaines des vies des gens et des familles des gens. Ça, c'est trop important. Mais ça reste dans le respect des familles. Ça reste en réalité la famille. Si elle est mentionnée de façon importante, alors, c'est pas juste le fait que tu aimes bien ta mère, tu vas voir tous les matins la femme sur le front, ou que tu vas aller faire ses courses ou quoi. Ça va bien, en vérité, ça va au-delà de ça. Ça va au-delà, en vérité, de ça. Ça va aussi le fait de ne pas de ramener une fille qui va se retrouver après dans la rue parce que, mais enfin, le frère qui a pris cette fille, sans penser aux beaux-parents, il n'a pas le respect des beaux-parents. Il voudrait bien qu'on fasse cela avec sa sœur. Je pense pas. Je pense pas qu'il voudrait qu'on fasse cela avec sa sœur. Donc pourquoi déjà s'il fait ça? Nous, on peut très bien douter sur lui. Si déjà tu respectes pas si déjà tu veux l'éloigner, la mettre seule, sans défense, pas de parents, pas de frères et sœurs, t'es loin, tu la mets. Qu'est-ce que tu veux d'elle dans un an, dans deux ans? Tu veux la divorcer, changer de femme? Qu'est-ce que tu veux après d'elle? C'est pour ça qu'il ne faut pas envahir les gens, commencer à faire ça, les diviser jusqu'à ce qu'après il y a des divorces, parce que souvent ça conclut à des machakés, à des problèmes, à des divorces. C'est des réalités. Et ceux qui sont dans la dawa le savent. Quand ils sont questionnés dans ce domaine-là, on sait ce qui se passe. Et il arrive beaucoup de choses dans le genre. Et après la fille, elle se retrouve seule. Et on va en vérité fabriquer une communauté de cas sociaux dans le sens où il n'y aura que des orphelins à droite à gauche. Il n'y aura que des ceci, il n'y aura que des cela. Et ça devrait normalement donner à réfléchir. Avant, hein, il y a une vingtaine d'années de ça, on pouvait se permettre de pouvoir critiquer le système, c'est-à-dire la vie actuel dont les gens vivent comme ça ici en France, dans le sens, regardez, ils se marient, ils divorcent tout de suite. Parce qu'il y avait très peu de divorces. Il y a 15 ans, il y avait très peu de divorces. C'était des cas rares. Maintenant, on entendait que c'était des cas rares. Maintenant, c'est devenu une habitude. Chez qui? Chez justement nous, un salafi. Chez qui? Chez nous, justement, les gens de la Sunna et du consensus. Jusqu'à ce que, si ça continue, ils vont nous faire des associations de femmes divorcées, salafiettes. Tellement il y en a. Je suis divorcé, j'ai un enfant. Je suis divorcé, j'ai trois enfants. Je suis divorcé. C'est rempli. C'est rempli de faire comme ça. Je suis divorcé, j'ai pas là. Donc voilà. Pourquoi? Parce que justement, des fois, on voit qu'il y a eu, il y a un problème. Il y a un problème justement dans le respect. Et tu verras que souvent, dans les détails des histoires, souvent il y a quoi? Il y a justement le problème de quoi? De la non-obéissance aux parents. Souvent, tu retrouves ça. Il y a les parents derrière. Donc des fois c'est le garçon qui va profiter, comme ça peut être en réalité aussi la fille qui va profiter. La fille elle peut très bien aussi essayer de tout faire pour trouver des excuses sur la belle-mère. Alors normalement elle doit patienter. C'est la mère de son mari, même si la mère de son mari a du caractère, il faut qu'elle sache que la mère de son mari c'est quoi. La mère de son mari, elle aime ce gars, c'était son petit bébé, elle a ceci, elle a cela, donc elle voit en réalité une concurrente. En face d'elle c'est une concurrente, c'est tout. Mais la personne devrait changer en vérité, la fille devrait changer en vérité sa façon de faire. Au lieu de se retrouver dans son coin, de se renfermer, en vérité, de réfléchir et de trouver des façons en fait que ça se sépare, je ne vais plus chez ta mère parce que je m'en fous, je ne vais plus chez ta mère, tu fais ce que tu veux. Pour toi, avec les enfants, moi je ne viens pas. Ça aussi, ça arrive souvent. Elle devrait y aller, l'embrasser sur le front, l'aider à faire ceci, hein, ou à faire cela, et essayer justement va t'échanger, pour que justement il y ait quelque chose de bien. Elle lui dit des bonnes paroles, et comme nous on n'a pas été habitués à dire des bonnes paroles aux gens, eh ben on n'arrive pas. C'est à cause de ça, on n'a pas été éduqué comme ça, à sortir des paroles qu'on a l'habitude de voir. Hein, qu'on a l'habitude de voir, même dans les livres, ou même dans chez certains Arabes qu'on trouve dans certains pays, où facilement ils sortent des paroles douces, et nous on n'arrive pas, parce qu'on n'a pas été habitué à ça. On n'a pas été en réalité habitué à, ce genre de, à ces choses-là. Donc voyez un petit peu comment était le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hein, et de quoi il parlait. De quoi il parlait. Les choses, les premières choses justement qui lui parlaient, et ceux qui comprennent bien, donc ils les comprennent en vérité en profondeur, ces choses-là. Vous voyez que le sidq, donc la véracité, elle peut faire de toi aussi un martyr. Donc dans un hadith, où un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par l'imam muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man sa'ala Allah ta'ala shahadata bi sidqin, ballagahu Allahu manazil al-shuhada, wa in mata ala firashihi. » Donc celui qui demande à Allah azza wa jal, en toute vérité, ça c'est une condition, c'est un shart, le sidqin, hein, il espère en vérité mourir martyr, Allah lui donnera le degré des martyrs même s'il meurt dans son lit, même s'il n'est pas parti dans le combat, même s'il n'a pas combattu. Mais il a voulu avoir ce degré en toute vérité. Donc qu'est-ce qu'il a amené à ce degré? C'est la vérité, c'est la condition. La vérité, elle t'enlève à ce degré. Si tu choisis, si tu veux ça, mais tu n'es pas véridique, tu n'auras pas ce degré. Et comme tu as été véridique, tu as réussi à avoir ce degré. C'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Le degré des shuhada, hein, donc c'est quand même un des meilleurs degrés. C'est parmi les meilleurs degrés. Hein, le shuhada, donc c'est beaucoup de gens vont les envier. Beaucoup de gens vont les envier. Sauf que les shuhada, ils vont envier le ulama, comme le diable dans les Mesroud. Il dit que pas. Donc parce que le ulama, c'est au-dessus des shuhada. Eux aussi font le djihad. Avec une billisen, hein, ou bissiné, ou billisen. Ils font le djihad. Donc, avec quoi? Avec leur langue, avec leur plume. Ils écrivent. Ils protègent la religion dans leur azawajal et aussi ils protègent aussi contre tout ce qui est shirk, tout ce qui est kouf, tout ce qui est une désobéissance et tout ce qui est bida, tout ce qui est innovation et autres. C'est pour ça qu'Abdallah ibn Mas'ud dit que certes, il jure que donc les martyrs voudraient être ressuscités et revenir, hein, pour que, être ressuscités et quoi, et qu'ils deviennent savants. Tellement ils savent qu'en réalité, il y a un honneur. Il y a un honneur chez les savants. Tellement l'honneur est grand chez les savants. C'est quoi? Donc par rapport à le karama. Donc vous voyez un petit peu en réalité la véracité, ce qu'elle amène. Ce qu'elle amène. Et eux, les martyrs voudraient être aussi avec véracité savants. Voyez un petit peu. Et aussi, même dans le commerce. Donc la véracité, elle ramène la baraka. Elle ramène en vérité la bénédiction. Et le baraka, ce n'est pas un grand chiffre. Mais c'est en vérité une dépense utile. C'est une dépense utile et qui va en vérité te mettre à l'aise, qui va te suffire. C'est ça la baraka. C'est une dépense utile qui va te suffire. Ce n'est pas spécialement donc un grand chiffre. Hein, ce n'est pas, machallah, la ibalek, ce snack, il fait beaucoup d'argent, il tourne bien, il marche bien, ce cigare, il marche bien. Est-ce que l'argent est moubarak? On ne sait pas. On le sait par rapport à comment cela va être dépensé. Et dans quoi en plus? Est-ce que ce sont les choses les plus utiles ou pas? Donc voilà, vous voyez, le Nabi s'en dit, El Bey'an, Bel Khiyar, Malam et Farraka. Donc les deux commerçants, c'est-à-dire les deux vendeurs, c'est-à-dire en vérité, celui qui achète et celui qui vend. Car acheter, ça s'appelle Bey'an aussi en arabe. Le fait d'acheter ou le fait de vendre, on appelle ça El Bey'an. Ils ont le choix tant qu'ils ne se sont pas séparés. فَإِنْ صَدَقَ وَبَيَّنَ بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْهِهِمَا. Si ils sont véridiques, si tous les deux sont véridiques, et qu'ils t'ont montré donc clairement leur matériel, leur marchandise, ils ont décrit clairement, donc en toute vérité, comment est leur marchandise, si c'est une voiture et qu'elle a un défaut, ils le disent, hein, si c'est un cheval qu'il a donc une telle maladie, ils le disent, si c'est ceci, donc ils disent ce qu'il y a. Hein, l'âge, tout ce qu'il y a à savoir. Et qu'ils te montrent, et donc clairement, donc ils recevront de la bénédiction. Tous les deux recevront de la bénédiction dans leur négoce. Ou une katama, ou un katzaba, s'ils cachent et mentent, muhiqat barakatu bay'ihima. La bénédiction de leur commerce leur sera enlevée, elle leur sera effacée. Ils n'auront rien du tout comme bénédiction. Ils ont obtenu beaucoup d'argent, mais où est-elle? Qu'est-ce qui se passe? Quand ils la dépensent, ils ne savent pas. Ils ne savent pas en vérité comment elle est partie. Ils voient que l'argent, ça part trop vite. Ceci soit là, ou bien leur arrive quelque chose. Il leur arrive quelque chose, et eux, généralement, c'est que non seulement la baraka disparaît, mais elle disparaît aussi dans leur façon d'adorer Allah Azzawajal. Car ils sont occupés à la dunya, ils ne sont plus occupés en vérité à remercier Allah Azzawajal. Donc ils ne remercient pas Allah. Donc c'est une preuve qu'il n'y a pas de baraka. Ils sont prêts à délaisser des prières pour cela. Donc il n'y a pas de baraka. Parce que ce qui est la baraka elle reste pas seulement dans les biens, mais aussi dans le reste, dans, en vérité, dans sa religion. Il sera moubarak dans ses biens et dans lui-même, dans sa famille, bidna azawajan. Donc on a vu, de façon générale, donc, ce qui a trait avec cette sacrée la sainte. Il reste combien de temps? Il reste 5 minutes, 6 minutes. Il reste 8 minutes. Donc ça c'est important. Et généralement, le commerce, donc on voit que beaucoup de gens entrent dans le commerce sans spécialement avoir connaître des détails. Sans connaître est-ce que je rentre dans l'intérêt. Est-ce que j'ai le droit de vendre de cette façon-là? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Donc il faut faire, c'est pas juste comme ça la baraka pour qu'elle soit là. Pourquoi les commerçants véridiques, donc les commerçants, les bons commerçants, pourquoi ils ont le droit à un degré, donc d'être proche des envoyés d'Allah, d'être proche des siddiqin, d'être proche des shuhada, pourquoi? Car c'est difficile, parce qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de shuba. Il s'agit en réalité de gagner de l'argent, et cet argent, tu vas profiter en réalité pour être à l'aise. Et tu vois loin des fois. Mais celui qui n'apprend pas, comment il va réussir en réalité à avoir ce degré? Et le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, dit, Tujjar Fujjar. Donc il dit, certes, les commerçants sont des gens qui commettent la turpitude. Pour pas dire pervers. Ça a dit du prophète, ça me dit, Tujjar Fujjar. Donc déjà c'est chaud, je suis intelligent. Est-ce que je fais partie de Tujjar? Pourquoi? Il l'a mené à Rahim al-Rabbouk. Sauf celui dont Allah avait fait miséricorde. Sauf celui qui a reçu de la part de son Seigneur de la miséricorde. Donc c'est un minimum. Alors moi, en vérité, j'ai envie de faire partie de ce minimum. Comment je fais? Ben, j'apprends, en vérité, les règles du commerce. Et je demande l'application, tout simplement. Mais je ne ferme pas les yeux. Et je fonce tête baissée. Je ne ferme pas les yeux, en réalité, et je fonce tête baissée. Je ne sais pas comment je fais. Je baisse trop les prix. Et je cause du tort à des frères. Je fais ça, maintenant, des choses comme ça. Ou bien, je vends ma marchandise. Et je lui dis que je connais sa marchandise à l'autre, parce qu'il vend la même, lui c'est une fausse, moi c'est une vraie, par exemple. Et d'autres encore, le fait de vendre ce que tu n'as pas, ce que tu ne possèdes pas. Il y a plein de choses, le fait que tu mentes dessus, tu vas jurer sur Allah Azzawajal, dessus. C'est parce que Salaf, vis-à-vis du commerce, ceux qui avaient un magasin, ils préféraient ouvrir les derniers, et fermer les premiers, afin que ce ne soit pas battu toute leur vie. Ils n'ont pas été créés que pour ça. Et combien d'entre nous maintenant font le contraire? On ouvre le premier, on ferme le plus tard possible. Le plus tard possible. Et tu ne le vois plus dans les assises de rime. Tu ne le vois plus dans toutes ces choses-là. Tu ne le vois plus en réalité profiter de la religion dans la zone. Et tu dis, je dounia, travaille. Même si c'est un qui vient. Même si c'est un qui va venir d'Arabie Saoudite, il va venir faire un dars dans un truc. Lui, tu ne le vois pas. Il n'y a pas le temps. Tu dis, tu sais bien, je suis. J'ai le marché, par exemple, si c'est le marché, un exemple, s'il fait des fois le marché, ou bien, j'ouvre très tôt, et voilà. Il ne va pas se dire, ce jour-là, c'est congé. Il y a un cher qui est venu, et c'est un exemple d'un frère que je connais, il a aussi un commerce, et lorsque le cher est venu 4 jours chez nous, il a fermé son commerce. Juste un après-midi, il a ouvert, donc il s'est désisté, le fait qu'il restait là, donc il y avait quelques heures où il n'y avait pas d'Ars, d'Ars était tard, donc il a ouvert, c'est au Maghreb. Donc il est ouvert, c'est-à-dire pendant la journée. Quand il est venu, il nous a dit qu'il a reçu, il a fait l'après-midi, donc ça faisait plusieurs années qu'il est dans le commerce, il a gagné ce qu'il a gagné sur la sacrée, ce qu'il n'avait pas gagné en plusieurs jours, voire bien beaucoup plus. Alors ce n'était pas une période spécifique de justement de vente. Il y a des mois, on sait bien qu'ils ne sont pas comme les autres, c'est connu. Et bien, alhamdulillah, pourquoi? Parce qu'il allait, c'est pour Allah, et Allah il l'a rendu meilleur. que tu gères ça avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a laissé, il a gagné, donc, comme on l'a dit dans l'après-midi. Ce qu'il n'aurait pas pu gagner, s'il aurait ouvert de façon générale. Parce que, si on prenait les 4 jours auparavant cela, il n'avait pas fait cette somme. Et encore 4 jours auparavant cela, il n'avait pas fait cette somme. Vous voyez un petit peu comment Allah Azzawajal aide. Il va faire mieux, tout simplement. Donc des fois, en réalité, lorsqu'il y a des moyens sabbat, lorsqu'il y a en réalité des occasions rares comme cela, où Allah Azzawajal, justement, il va t'élever peut-être en degré par rapport à ce que tu vas entendre du shirk, n'aie pas peur en réalité de fermer. Ne sois pas le dernier qui ferme. Parce que Salaf, il ne fermait pas les derniers. On a déjà vu ça dans des marchés. Des gens qui ferment, le Jumu'ah qui ferme, alors qu'on voit que le parking se vide, il reste 4-5 personnes, et tu peux trouver des fois, trouver justement parmi eux, justement, ce qu'on appelle un Moutazimine. Tu vas trouver parmi eux, parce qu'il fait partie de ceux qui ferment les derniers. Alors que le Jumu'ah, il est peut-être dans une demi-heure. Et je ne pense pas qu'il va réussir en réalité à être aussi rapide que ça. Rentrer, poser le camion je ne sais où, s'il a décidé de prendre sa douche, comment il fait? Il lui reste qu'une demi-heure. C'est pas simple, la demi-heure elle passe très vite. Donc en réalité c'est des choses en réalité, dont les gens devraient en réalité réfléchir. Savoir qu'Allah Azzawajal t'a créé pour que tu l'adores. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. Le premier verbe et la première chose dont on se réclame en tant qu'humain, c'est Iyyaka Na'budu. N'est-ce pas que ça, c'est Allah, lorsqu'il se dévoile dans Al-Fatiha, il parle de lui-même, ça, hein, de Alhamdulillah Rabbil Alamin jusqu'au Maliki Yawmiddin. Il parle de lui-même, ça. Là, on trouve que ce qui a trait à Allah Azzawajal. Et dès qu'Allah Azzawajal mentionne son serviteur, qu'est-ce qu'il dit? Iyyaka Na'budu. C'est toi dont nous adorons. C'est toi que nous adorons. Il commence directement par ça, justement, l'adoration d'Allah Azzawajal. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et pas les tijaras. Et après il continue, après c'est quoi? Ma uridu min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Je ne veux pas de leur part qu'ils me donnent du risque. C'est-à-dire moi lorsqu'Allah demande qu'on soit serviteur, c'est pas pour faire une armée, c'est pas pour qu'on soit beaucoup, pour qu'Allah il dise, là il y a beaucoup de gens autour de moi, c'est pas pour avoir un groupe. Et il demande pas subsistance. Mais c'est le contraire. C'est-à-dire demandez-vous la subsistance de par votre adoration. Et aussi, je ne demande pas qu'il me donne de la nourriture. Mais c'est plutôt nous qu'on va demander à Allah Azzawajal qu'il nous nourrisse. Allah Azzawajal ici, il rejoint l'adoration et le risque. Et c'est pour ça qu'Allah Azzawajal rejoint aussi, souvent, dans ce sujoud, lorsqu'il voit qu'il demande et il désire les bienfaits. Il désire en vérité quoi? Les bienfaits, les grâces de leur Seigneur, en sujoud, dans la dunya. Hein, risque, il demande le risque dans le sujoud. Allah y met un lien avec la salat et avec quoi? Le risque. C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que vous avez remarqué des versets où Allah parle seulement de ceux qui prient, il parle de la subsistance? Bien sûr, c'est vrai. Et qu'est-ce qui va encore bien appuyer cela? C'est quoi? C'est la zakat. N'est-ce pas que la zakat elle est tout le temps associée avec la salat? Pourquoi? Parce que dans ta salat, tu demandes et lorsque tu reçois, après tu donnes. C'est un lien entre la zakat et la salat. Pourquoi c'est un lien? Pas juste parce que c'est ça, parmi les bénéfices, c'est que c'est vrai que c'est la meilleure adoration. La sainte, c'est le meilleur lien qu'il y a entre toi et Allah. Et la zakat, c'est le meilleur lien que tu puisses faire, c'est la meilleure bonté que tu puisses faire envers autrui. Envers l'étranger que tu ne connais pas. Tu lui donnes de l'argent, tu vas le toucher énormément. Il est en difficulté, tu vas l'aider, ça va lui ouvrir beaucoup de portes, il va t'aimer beaucoup. Mais le lien aussi, c'est que dans ta salat, Allah te donne le reste qui en réalité qui sera Mubarak, qui sera en réalité béni. Là, tu donnes un risque béni, toi en plus tu vas purifier en plus ce risque, justement en donnant au serviteur. Donc vous voyez les liens qu'il y a. Il y a des liens lorsque vous voyez justement qu'Allah demande, qu'il dit, Allah il dit qu'est-ce qu'il demande dans ce sujoud. Il dit, il vante les croyants et il demande les grâces de leur Seigneur. Et les grâces de leur Seigneur, elles commencent par ici. Elles commencent par quoi? La Bidissiba. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne aussi. Le fait de dire et aussi parmi les grâces de notre, c'est-à-dire et aussi les grâces de ton Seigneur, donc mentionne-les. N'est-ce pas que le prophète, il a parlé alors qu'il avait un verre d'eau, il avait de l'eau. Un verre d'eau. C'est un verre d'eau. Dis-vous, donc là, hein? Ça c'est pas par rapport à le Salam al-Nuzul, il est venu plutôt, je me suis trompé par rapport au verset. Donc, hein, et puis ce jour-là, vous allez être questionné sur les grâces, et c'était un verre d'eau. Mais je reviens par rapport à ça, donc le verre d'eau c'est en plus, Je reviens par rapport au Amma bin Ni'amati Rabbika Fahaddith. Qu'est-ce qu'il dit Allah auparavant? Lorsqu'Allah Zali se mentionne dans Surat al-Duha, qui est énormément récité. Pourquoi elle est énormément récitée cette Surat? Est-elle importante ou pas? Elle est importante parce qu'Allah Zali se dévoile encore une fois. Il se dévoile. Hein? Il se dévoile. Et après il parle de lui. Donc c'est Rububi. Après il parle de son serviteur. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ça c'est l'Uluhiya. Comment on doit être? Il dit quoi? Hein? Après? Et avant ça, lorsqu'il dit, vous voyez, là, donc on regarde ici, c'est par rapport à ça, mais avant, lorsqu'Allah parle, qu'est-ce qu'il dit? Wadduha, vas-y. Continue. Continue. Après? Là, ce verset? On commence? Toi? Je t'ai trouvé pauvre et je t'ai donné. Hein? Je t'ai trouvé pauvre et je t'ai donné, Allah a dit. Et la récompense, et comme je t'ai trouvé pauvre et je t'ai donné, le dernier verset c'est quoi? Je t'ai donné de mes grâces. D'accord? Allah a dit, t'a donné de ses grâces. Parce qu'ici, Allah a dit, ne laisse pas que je t'ai trouvé orphelin et donc je t'ai accueilli, je t'ai recueilli. Et c'est pour ça qu'Allah a dit, en contrepartie, et l'orphelin ne te laisse pas. Tu étais orphelin toi auparavant. Donc ne te laisse pas l'orphelin maintenant. Je t'ai ramené. Hein, je t'ai recueilli alors que tu étais orphelin. Donc recueille-toi aussi les orphelins. Aide-les. Et après Allah dit, dans le verset, comme ça on termine par rapport à la sourate. Et celui qui demande ne l'interdit pas. Et c'était quoi avant? Tu étais égaré et je t'ai guidé par le rythme. Donc comme tu étais ignorant et que maintenant je t'ai guidé par le rythme, donc l'ignorant lorsqu'il vient à toi, ne le délaisse pas. Ne lui interdis pas à connaître la vérité. Et après aussi, comme je t'ai donné, alors tu étais pauvre, je t'ai enrichi, donc du coup, ne délaisse pas les gens. N'oublie pas en vérité les grâces d'Allah Azza wa Jalla. Et le hadith, c'est pas juste le fait en réalité de quoi? C'est pas juste en réalité le fait d'être juste... de mentionner, mais c'est aussi le fait en vérité de faire du bien. C'est en vérité aussi le fait de faire du bien ici. Fahaddith. Parle-en. Donc, parle-en. Donc tu vas parler, mais en plus tu vas parler avec quoi? Si tu reconnais qu'Allah tu fais du bien, tu n'as pas envie de faire la même chose. Tu n'as pas envie d'avoir cette satisfaction justement aussi de celui qui est Jawad, de celui qui est Karim. Donc tu vas faire quoi en vérité en réalité? Tu vas faire par rapport à cela le bien. Donc voyez en vérité, toujours, là c'est toujours par rapport à l'attrait du commerce. Le commerçant, c'est pas celui qui est avide. Tu commerces, la cuisine, à côté, tu as des bonnes qualités. Tu dois avoir justement des qualités qui seront différentes des autres. Et normalement, nous, on ne devrait pas avoir ces problèmes-là de, par rapport à nos frères qui commercent encore, ce problème-là de difficulté, de pouvoir juste, de ne serait-ce de réussir à tenir debout ce genre de mosquée, ou un plus grand mosquée d'Akhili. On ne devrait pas, normalement, réellement avoir ce genre de problème. Il y avait dans ma classe, à Médine, ils étaient 8, c'est des Thaïlandais. Chaque mois, la paye qu'on a, donc 842 riyals, ça fait dans les 160 euros à peu près par mois, ça c'était la bourse, c'est la bourse mensuelle. Mais pour eux, c'est une paye, c'est l'Indonésie, déjà c'est la Thaïlande, pour certains pays c'est une paye. C'est une paye de celui qui prend par l'université, même c'est une paye, c'est conséquent. Ils ont mis chacun, en restant sérieux, chacun a posé 100 riyals par mois. C'est pas des riches spécialement. Ils auraient pu très bien commencer à penser aussi à la famille ou quoi. Ils ont posé. Jusqu'à leur sortie. Du premier mois jusqu'au dernier mois. Pour justement ouvrir un marquez. Ils ont acheté la terre. Il y en avait qui ont resté au moins 3, 4, il y a resté 3 ans dans ma classe. Donc je le connais bien. Ils ont acheté la terre. Et après, petit à petit, construire pour faire justement une école... pour rappeler les gens à la sunna. Voyez un petit peu les gens comment ils ont laissé. Pourtant, c'est pas des riches. Là qu'ils nous ont donné. Parce qu'il ne faut pas qu'on s'habitue à penser que c'est que le riche qui l'a donné. Parce que si on part dans ce principe-là, on oublie que Aïcha lorsqu'elle a reçu, lorsqu'elle n'avait qu'une date ou que trois dates, elle a tout donné. Elle n'était pas riche. Elle n'avait que ça lorsqu'on est venu demander à manger. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais refusé lorsqu'on lui a demandé. Donc on va dire, vous voyez comment elle est, la baraka, comme on dit, c'est pas le fait d'avoir un groupicule, mais en vérité la baraka, c'est qu'Allah t'a permis de faire du bien avec. Elle est là la baraka. C'est qu'Allah t'a permis en vérité d'être bon. Vous voyez? Et croyez-moi qu'il y a un lien entre salat et ça. Parce que tu vois plus la personne à la mosquée, tu vois plus ceci, tu vois plus ça. Tu te doutes que sa prière ne peut pas être une prière aussi bien faite. Hein, on le sait très bien. Qu'elle ne peut pas être aussi bien faite que, en vérité, que s'il vient souvent à la mosquée. Je sais de quoi je parle, j'ai eu un snack pendant 6 mois. Donc je sais de quoi je parle. J'ai vu la différence de ma vie qui est dans la mosquée et de ma vie. Donc je parle déjà par rapport à moi-même. Je vois bien comment que la dunya aussi, elle nous assomme. Hein, on est tous touchés. Donc quand je parle même par connaissance de cause. Et c'est en vérité, c'est difficile. Il faut en vérité, c'est pour ça qu'il faut, à côté de... On n'a pas dit de ne pas ouvrir. On n'a pas dit de ne pas s'enrichir, de pas travailler. C'est pas ça le problème. On travaille, alhamdulillah, mais on n'oublie pas à côté de quoi, on va essayer de s'accrocher, on va essayer à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne énormément certains actes, c'est pas pour rien. Et s'il mentionne avec énormément de récompenses, c'est pas pour rien. C'est justement pour qu'on y prête énormément attention. Donc plus on va arrêter la chose, allez. Moi je m'arrête là. Donc plus on va arrêter la chose, elle est mentionnée de façon importante, plus c'est une preuve qu'elle est totalement en vérité bien sûr importante. Barakallahu fikum, subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.